Vous êtes toujours sur Radio Mon Pays 90.1. Il est 19h. Et vous écoutez l'émission Blood at Roots. Avec vos humbles serviteurs. Donc vos humbles serviteurs, Pierre-Julien, Stéphane et puis Julien à la technique. Toujours à l'heure, Julien. Ouais, alors là, on retrouve le trio originel pour les habitués, pour ceux qui nous suivent depuis le tout début de l'émission. C'est un peu le ça, trio ouais. Originel, donc Julien à la batterie, votre serviteur à la basse et puis le soliste qui va improviser, qui va nous amener... Je sais pas, tu choisis quoi, sax, trompette ? Honnêtement, j'adore le saxophone. La trompette, c'est pas trop mal non plus. Mais bon, on laissera aux auditeurs le choix de l'instrument, comme on dit. Bon, et puis, on est maintenant fin février. On sort d'un triptyque ou quadriptyque, ou je sais pas comment on dit, sur le jazz. On a parlé de plein de choses, de New Orleans, de jazz modal, de free jazz, surtout avec cette émission free un peu jazz. Mémorable où on a passé free mythique. Jazz de Ornette Coleman. Mythique, déjà. Voilà, mythique. et d'ailleurs, pour revenir sur ce que je disais, le trio originel, pas tout à fait, puisqu'on a convoqué l'âme d'année de l'émission qui avait déjà sévi pour le free jazz. Et on l'a convoqué pour avoir quelques petits éléments d'explication sur le thème d'aujourd'hui. Donc on est... Pas vraiment que tous les trois, on est quatre. Voilà. Et donc, après ce côté vraiment jazz intellectuel dans l'abstraction, etc., on va revenir en fait un peu aux bases, quoi. À la musique populaire, à tout ce qui a forgé les musiques afro-américaines à travers le XXe siècle. Et puis, on va parler pendant trois émissions de rock'n'roll. Le rock'n'roll qui a priori a été la première musique qui a réuni en fait les Afro-Américains et les Américains blancs dans une salle de concert ou à danser ensemble. Enfin, légende, c'est la légende qui. Absolument, et musique qui a déchaîné toutes les passions, qui a fait sauter les barrières un peu morales aussi dans une certaine société américaine. On avait vu que sur le blues, il y avait quand même pas mal d'amochés qui jouaient. Rock'n'roll, il y a pas mal de tarés. Donc ça a aidé à enlever les barrières morales. Donc, comment ça va se passer ce triptyque rock'n'roll, Pierre-Julien ? Alors ouais, on en parlait un peu plus tôt ensemble, et puis faire une émission sur le rock'n'roll, ça paraissait un peu con, quoi, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et puis en faire deux, c'était pas encore assez, je pense qu'on va en faire trois, certainement. On va voir ce qui s'est passé avant le rock'n'roll, d'où est-ce que ça vient, parce que c'est quand même un sacré métissage à la fois musical, culturel, social. On va ensuite voir ce qui s'est passé vraiment au moment du rock'n'roll, au milieu des années 50. Et les différentes hypothèses sur rock'n'roll. Noir, blanc, morné, enfin bon bref. Sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord d'ailleurs. Sur lesquelles il y a plusieurs théories, mais on vous en parlera. Ouais. Et puis on va faire une troisième émission pour voir aussi un peu le hold-up du siècle, si j'ose dire. Le hold-up du siècle qu'on pourrait résumer en fait... par l'histoire du rock'n'roll qui a été réécrite en fait par des gens qui en avaient pas le monopole, c'est-à-dire les blancs concrètement. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on pourrait même reprendre le titre d'un film connu, enfin un chef-d'œuvre du cinéma qui s'appelle La Grande Discographie du Rock'n'Roll. Et en fait c'est un peu ça. Alors c'est pas le même style de groupe, mais c'est La Grande Discographie du Rock'n'Roll, enfin ou pas. Mais on verra ce qui s'est passé effectivement. Le hold-up, enfin toujours pareil, il y a plusieurs hypothèses. On verra ce qu'il en est aujourd'hui. Yes. Et donc, pour commencer un petit peu cette émission, on vous propose de partir plutôt du côté de la musique blanche, encore que c'est pas tout à fait évident, sur le côté country, en fait, parce qu'il y a deux grands courants qui se sont un peu mariés, qui se sont un peu entremêlés, qui ont un peu fait l'amour, on peut le dire. Voilà. C'est le terme. C'est le terme. On y reviendra aussi. C'est le terme approprié quand on parle du rock'n'roll. Mais ça revient à ce qu'on disait sur la première musique qui a réuni noir et blanc, alors qu'à la base c'était fait pour les séparer. Enfin, ouais. Voilà. Absolument. Et du coup, sur le côté country, ce qui est intéressant, c'est que bon, tu disais qu'effectivement, il y a le côté noir et blanc qui sont un peu réunis dans le rock'n'roll, mais la country, c'est une histoire qui remonte très loin dans les racines de l'histoire américaine, puisque on a affaire à des thèmes, des chants, des mélodies, en fait, qui sont créées voilà, un peu au fil des rencontres entre les, comment on peut dire, ceux qui ont été un peu, qui ont découvert les États-Unis, qui ont découvert les autochtones. Bref, il y a tout ce métissage culturel qui s'est un peu, qui s'est un peu créé, quoi. Là, on avait parlé sur la première émission, on avait vu qu'il y avait l'arrivée, quand j'avais passé, on avait passé les fameux morceaux de la 7e cavalerie, des fifres, des tambours, tout ça. Enfin, c'est tout ça qui a créé, qui était le courant qui a construit la country. Absolument. Et du coup, on vous propose de commencer cette soirée joyeusement, enfin, encore que, avec Eck Robertson, Sally Gooden et John Carson, Cotton Eyed Blues. On est dans les années 20, on vous laisse apprécier. Around. Voilà donc Eck Robertson et John Carson, grande figure de la musique country américaine. Alors, on est quand même assez loin du rock'n'roll encore, hein, Stéphane. Un petit peu, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu très musique traditionnelle. Et d'ailleurs, d'aucuns auront remarqué qu'il y a un petit côté irlandais, même pratiquement, avec l'utilisation du violon, enfin, qui est très cadencé. Il y a du banjo, ouais. Et d'ailleurs, on répond à Benoît qui a envoyé un petit message à Julien à l'instant, qui se demandait pourquoi on entendait de la cornemuse, si je ne m'abuse. Et ben en fait, ouais, c'est ça, c'est que cette musique country, elle a toujours été en fait européenne principalement à la base. Elle s'est ensuite mêlée voilà, aux populations autochtones dans les Appalaches au fur et à mesure voilà, des avancées des cowboys et compagnie. Voilà, donc on parle vraiment d'une musique métissée qui d'ailleurs, comme le rock'n'roll le sera par ailleurs beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard encore qu'on parle d'une vingtaine d'années. Enfin, n'avance pas trop vite. On va prendre le temps sur la country un petit peu. On va prendre le temps, effectivement. Et il y a une figure en particulier dans la musique country qui sera un peu gravée à jamais dans les mémoires, c'est un certain Jimmy Rodgers. Ah, je pensais à Johnny Cash, mais c'était un peu plus tard. c'est le seul que je connais, ouais. D'autre côté. Jimmy Rodgers, c'est un artiste, voilà, de... Bon, aujourd'hui, on dit que c'est de la country, mais en fait, quand on écoute un peu attentivement, voilà, dans son jeu de guitare, il y a du blues aussi, beaucoup, et du yodel. Du yodel, effectivement, ouais. Alors, on pense aux Suisses, aux Allemands, quand on parle de yodel. Mais en fait, c'était quelque chose d'assez courant dans la country à l'époque. Il y avait une petite communauté suisse dans les Appalaches qui ont, en fait, importé cette technique de chant. Jimmy Rodgers, qui sera l'un des premiers artistes de country à vendre pas loin d'1 million de disques dans les États-Unis. On parle de la première superstar, entre guillemets, américaine. C'est sur quelle époque, ça ? Alors, Jimmy Rodgers, il est situé. Ouais, on est un peu avant les années 30. D'accord. Et notamment, le titre qu'on va écouter tout de suite, In the Jailhouse, fait partie d'environ 13 chansons qu'il a enregistrées. C'est 13 Yodel Blues, enregistré en 1928. Et puis, on va écouter ensuite Patsy Montana, I Wanna Be a Country Sweetheart, en 1934. Donc, on fait un petit bond en avant déjà. Named Ramblin' Bob, who used to steal, gamble, and rob. He thought he was the smartest guy in town. But I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Ooh-lee, ooh-lee, ooh-lee. Played a game called poker, pinochle, whist, and yoker, but shooting dice was his greatest game. Now he's downtown in jail, nobody to go his bail. The judge done said that he refused a fine. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Ali-o-li. Ali-o-li. Ali-o-li. Thank you. went out last Tuesday, met a girl named Susie. I told her I was the swellest man around. We started to spend my money, then she started to call me honey. We took in every cabaret in town. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. I told the judge right to his face, we didn't like to see this place. We're in the jailhouse now. Ali, ole. Ali, ole. Ali, ole. Et pour la petite touche féminine, on va placer Patsy Montana, I Wanna Be a Cowboy Sweetheart. Bon, alors un petit élément d'explication, parce que là on se marre bien dans le studio. Il y en a certains qui s'attendaient pas trop à avoir du yodel. si, parce que Elvis enfin plus tard, on va anticiper, mais... Bah, y a des éléments de yodel qui persistent dans le rock'n'roll, et jusque dans la manière de chanter de Paul McCartney d'ailleurs, qui fait des youhou souvent, tu vois, enfin... tu fais bien le youhou de Paul McCartney. Le youhou de Paul McCartney. Mais si, dans les. Tu vois un peu l'idée d'avoir une note en fait qui dénote. Ce qu'on appelle les records blancs, ce qu'on verra plus tard. Effectivement, il y avait cette notion de vibration dans la voix. Alors, effectivement, c'est du yodel ou ça vient de ça. Mais oui, on le retrouvait parfaitement. Là, c'était du vrai, quoi. Voilà. J'ai l'impression de manger une fondue. On va commander une fondue. T'es dans la forêt noire en Allemagne, ouais. Tranquille. Ouf, ouais, on parle tout pas. Se passe bien. Ah. Donc voilà, bah, petit élément d'explication. Bon, c'est le yodel, c'était un élément qui faisait vraiment intégralement partie de la musique country. La question que se pose l'auditeur, c'est pourquoi tu leur mets de la musique country ? Alors vas-y, commence à les amener un petit peu où tu veux les amener. T'as raison de poser la question il faut toujours un peu expliquer quand même. Hein. Mais effectivement, ouais, la country, ça fait partie des musiques qui ont amené un petit peu le rock'n'roll, quoi. Une des briques de base du rock'n'roll. Voilà. Donc là, on a commencé par écouter effectivement de la country pure et dure avec du fiddling, des fiddlers, comme on les appelle en anglais, ceux qui font du violon de manière un peu rapide, comme ça. On a vu Jimmy Rogers déjà qui entamait des choses avec des guitares qui n'étaient pas des instruments usuels à l'époque. Hein. C'était un peu des trucs de pirates, les guitares, hein. Comme le banjo un petit peu avant. Enfin bon, c'est des instruments qui sont un peu démocratisés, si j'ose dire. Et puis, ben, y a ces formes de musique familiales qui se sont développées, comme on vient de l'écouter avec Patsy Montana. Et tout de suite, ben, on va embrayer avec The Delmore Brothers, qui était un groupe de l'époque qui a eu un certain succès d'ailleurs aussi. Et on retrouve le mot blues dans le titre, Blues Stay Away From Me. Et tout de suite après, on va écouter Arthur Smith, qui était un petit peu un genre de génie de la guitare, du banjo, et qui a synthétisé ce qu'on appelle aujourd'hui le boogie, et qui amène, et là vous allez sentir le rock'n'roll, je vois Stéphane qui me fait un petit clin d'œil. Non, pas du tout, on était en train de communiquer par télépathie avec DJ Bisou. Voilà, et donc le boogie qui en fait est le thème de base un peu du rock'n'roll qu'on entend un petit peu partout, qu'on s'imagine assez bien, et vous allez le découvrir tout de suite. Thank you. Radio Mopalis, 19h30, Blood at Roots. Blood at Roots. Bon Stéphane, j'ai une question. Ah, y a pas de Arthur Smith, sur le guitar boogie. Oui. Tu commences à le sentir le rock'n'roll. Il arrive tout doucement, mais il va pas arriver tout seul en fait. Tu le sens. Il va rencontrer un autre style de musique et tout ça va nous y amener. On a encore deux émissions pour le découvrir. Là, petit à petit, on voit, ça commence à pousser en fait. Il y a une sorte d'arbre qui pousse. Ouais. Il y a une autre racine qui va arriver. Avec le petit côté boogie. Mais on a eu les vibratos dans la voix d'Elvis, le boogie, les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place tranquillement. Ouais. Il y a ce côté populaire, il y a ce côté éclectique. Et puis, il y a ces mélodies, ce rythme qui se mettent en place tout doucement. J'aimerais vous parler de Hank Williams, peut-être l'un des artistes country les plus importants, qui aura juste inspiré Elvis Presley, juste ça, Johnny Cash et puis d'autres, avec des titres comme ceux qu'on va écouter, Honky Tonk Blues, Lovesick Blues et peut-être même Long Gone Lonesome Blues. Ça parle de blues quand même, mais on reste sur de la country. Hank Williams, mort à 29 ans, complètement alcoolique, et puis pourtant... ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Ça faisait longtemps dans les émissions, on vous avait pas parlé d'un chanteur ou d'un guitariste qui n'était pas alcoolique. Voilà. Le seul drame, c'est qu'il sera pas mort à 27 ans, si j'ose dire. Ok, on arrête. Qui aura développé son art assez tôt, qui aura fait un peu un genre de syncrétisme entre les différents rythmes qui existaient à l'époque, qui va lui aussi utiliser le yodel dans sa manière de chanter. Hank Williams qui a eu cette vie un peu de merde, mais qui était l'une des premières superstars de ce qu'on pourrait commencer à appeler du proto-rock'n'roll. Hank Williams, c'est quelle période ? Je te repose ça parce que je vois par rapport à ce que tu disais sur le fait de 27 ans, qu'il est décédé à 29 et pas 27, donc la légende de ceux qui sont morts à 27 ans. Dont Robert Johnson, est-ce que tu le mettrais donc, voilà. Ils sont contemporains. Donc ça serait un peu le pendant de la country avec Robert Johnson. Je pense qu'on peut dire ça, ouais. Ouais, on l'a pas travaillé. On l'a pas travaillé, non, c'est vrai, c'est venu comme ça. On est dans les années. En tout cas, ils ont été contemporains. Les enregistrements de Hank Williams, c'était dans les années 40. Il y a tout ça. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont bu des coups ensemble. Ça, on ne le saura jamais. Mais voilà. Ça m'étonnerait quand même. Parce que, À cette époque, ça ne va pas être évident, effectivement. parce que les Noirs buvaient des coups dans les Duke Jones, sur lesquels les on reviendra fameux, un peu plus tard. Et puis Hank Williams, il jouait pour les Wasps, un petit peu. Donc, on est un peu sur tout ça. Je vous laisse l'initiative pour aller peut-être un peu creuser le sujet, mais si ça vous plaît en tout cas. Mais Hank Williams, on va écouter Honky Tonk Blues, on va écouter Lovesick Blues et Long Gone Lonesome Blues. On vous laisse apprécier tout ça. Wishing I could lose and jumping honky tonk blues. Hey, the honky tonk blues. Oh Lord, I got 'em. I got the honky tonk blues. City honky tonk blues. Hey, the honky tonk blues. Hey, Lord, I got 'em. I got the honky tonk blues. I'm gonna tuck my worries underneath my arm and scat right back to my pappy's farm and leave his honky tonk blues. Hey, the honky tonk blues. Oh, Lord, I got 'em. I got the honky tonk blues. I got a feeling called the blues. Oh, Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know how to do. All I do is sat and sigh. Oh, Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got the kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Thought I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got the lovesick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal, but she don't care about me. Lord, I tried and I tried to keep her satisfied, but she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues. Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know how to do. All I do is sit and sigh. Oh, Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I left to hear her when she called me sweet. Dad, that is such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Thought I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got the lovesick blues. There you are, folks, that lovesick blues. This is Hank Williams speaking for all the boys and myself, saying if the good Lord's willing and the creeks don't rise, we'll see you again for long. And until then, Jerry, let's go see Sally Goodman. Voilà, donc c'était Hank Williams et on se rend compte que y a un titre qu'on a pas pris avec nous, donc c'est pas bien grave, bref. Mais il y avait une question intéressante que posait Julien, c'était c'est quoi la country concrètement? On va te répondre en direct. La country, c'est surtout une musique populaire qui est jouée par des gens qui vivent en milieu rural en fait, même si à l'époque... Les rednecks, ce qu'on appelle les rednecks, ouais. Enfin ce qu'on appelle toujours. Alors... c'est compliqué, redneck, je sais pas, je suis un peu... Bah, redneck, c'est un côté sudiste, un côté un peu... mais quelque part, c'est un peu ça, quand même. Hein. C'est, d'ailleurs, ils avaient des grands chapeaux pour se protéger la nuque. Hein. Ouais, mais après, le côté redneck, il y a un côté un peu politique, politisant, oui. Tu vois. Maintenant, oui. Parce qu'à l'époque, les gens qui jouaient de la country, en fait, partageaient les mêmes conditions de vie que... peut-être pas tout à fait, mais ils avaient les mêmes conditions de promiscuité. Bon, après, je suis pas expert sur la question, mais je pense que c'est de nos jours maintenant qu'on dit redneck, on voit le drapeau sudiste et tout ce qu'il y a derrière. Complètement, à cette époque-là, les rednecks, c'était les gens qui bossaient dans, comme tu dis, quoi. C'est-à-dire pas les blancs des grandes villes, les blancs du, des campagnes, tout simplement. Hein, bien sûr. Sans préjugés politiques ou raciaux ou quoi que ce soit. Quoi. Mmh. Et j'irai plus loin en disant que même maintenant qu'il y a ces préjugés, machin, etc., il y a beaucoup de rednecks maintenant, ouais. Au terme où voilà, on entend qui citerait volontiers un mec comme Hank Williams dans leur référence musicale. Et d'ailleurs, Hank Williams, qui vient de l'Alabama, donc mine de rien, il a peut-être bien croisé au détour d'un Crossroad, Robert Johnson. Ils n'étaient pas obligés d'aller au bar pour boire un coup. Hein. Ils ont peut-être bu une bière ou un petit whisky frelaté assis sur un banc. Bon, t'as raison de parler de whisky frelaté parce qu'en fait, il faut un peu rappeler le contexte aussi de toutes de ces années 20-30. Bon, il y a eu la Grande Dépression qui est passée par là. Les gens vivaient dans une misère noire, si j'ose dire. Puis les conditions de vie se sont dégradées, l'avenir était incertain, et puis il fallait bien s'amuser d'une manière ou d'une autre, donc on allait danser sur de la musique country ou du blues selon qu'on soit blanc ou noir. Mais il faut pas perdre de vue, nous c'est vrai que sur l'émission, enfin sur l'idée de l'émission, c'est la musique afro-américaine, donc on parle des conditions de vie afro-américaines. À cette période, les conditions de vie de certains blancs, enfin américains, étaient pas mieux, hein, avec la Grande Dépression et autres, c'était très très très très très très compliqué. Même s'ils n'avaient pas à subir, bien entendu, tous les préjugés raciaux qu'il pouvait y avoir. À part qu'ils avaient la nuque trop rouge, excuse-moi, mais ça peut être. On va conclure sur un dernier morceau country avant de passer, avant de voir l'autre, je dirais l'autre versant du, peut-être l'autre versant, l'autre racine du rock and roll. Donc on va écouter. Alors je retrouve mes notes parce que je suis pas un expert en country, excusez-moi. Les Maddox Brothers and Rose, c'est la chanteuse. Qui nous chante New Mule Skinner. Good morning, Captain. Howdy, gal. Good morning, Sean. I'm shining. Do you need another mule skinner? Put on your new mudline. I sure do. The other day. Thank you. Alors, question, est-ce qu'elle faisait à la fin, c'est du yodel ou c'était du pur cowboy yankee avec le lasso? C'est un peu des deux, en général. Ouais, mais on ressemble ouais. bien là. Ouais. Mais, il y avait du yodel, ouais, effectivement, ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on passait du yodel, tu faisais une tête rigolo. Bah, je chantais, j'essayais de faire un petit coup. Non, en plus, j'ai la voix super, super cassée, là, parce que j'essayais de boire du whisky pour avoir la même voix que Pierre Julien. Oh. Pour qu'on m'envoie des trucs comme quoi j'ai une voix suave, ça marche pas. J'aurais le foie pourri avant d'avoir une belle voix. Il faudra un jour que vous vous réunissiez tous pour m'expliquer ce que vous trouvez de sexy dans ma voix. Ah mais pas nous hein. D'ailleurs on fait voilà. Bref. Non mais on fait un petit clin d'œil à Benoît et Clémentine qui nous écoutent certainement à l'heure qu'il est. Et du coup, bon, on passe sur quoi là ? Bah, du coup, on passe sur avant d'attaquer l'autre racine dont tu vas parler, dont on va parler du rock'n'roll. On va s'intéresser aux origines rock'n'roll, mais l'origine lexicale, purement littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire rock'n'roll ? Alors, pour ça, j'ai donc convoqué l'âme damnée de l'émission. Pour rappel, il a déjà sévi pour le free jazz. Il vit entre ses livres, entre ses vieux vinyles. Et donc voilà, des fois on le convoque, on lui dit qu'est-ce que tu penses de ça, et il va chercher, il nous rapporte plein d'idées, plein d'arguments, plein d'histoires, d'anecdotes. Bref, il nous a retrouvé donc. Elle a un nom, cette âme d'année. Non, elle a pas de nom, non, c'est une âme. C'est une âme errante. Ouais, elle veut pas. Elle okay. reste. Et alors pour le coup, au niveau du nom du terme rock and roll, il nous a décoté un texte d'anglais, de l'anglais médiéval, où déjà on parle de rock. Alors je laisse Pierre Julien parce que c'est quand même. Pierre Julien. Non, mais attends, tu vas dire que j'ai un bon accent anglais, c'est ça ? T'as un bon accent de vieil anglais, même. Allez, feu, donc un texte d'anglais médiéval qui parle de rock. Donc, déjà. Mais je vous préviens, pour ceux qui parlent un peu anglais ou qui savent repérer un bon accent, n'écoutez pas Stéphane. Voilà, merci. Ce petit texte, on peut dire que c'est. Il y a trois vers, en fait. Hein. Et d'ailleurs, on sait pas d'où ça vient en fait. Non, c'est un texte. Il l'a juste balancé comme ça. Ouais. Ok. Donc ça dit My throbbing heart shall rock thee day and night. There shall not be one minute in an hour wherein I will not kiss my sweet love's flower. Donc fleur, enfin bon, la rose, ronsard, des sous-entendus. Dit clairement, c'est même plus des sons entendus, mais c'est purement sexuel. Hein. Ton pote, il parle même de métaphore florale. Bon, ouais. On s'imagine de quelle fleur il parle. Ouais. Mais, voilà. Donc la rose ronsard, c'est un peu ce dont on parlait. Donc clairement, rock'n'roll, c'est purement alors éloigné. Si vous avez des enfants qui ne sont pas trop loin, c'est carrément métaphore. Enfin, c'est sexuel, quoi. Faut appeler un chat un chat. Mais pas réservé, enfin, pas simplement utilisé par les hommes. On verra sur les deux chansons qu'on va vous présenter après. L'idée, c'est que d'où ça vient. Donc, faut savoir, au XXe siècle, des expressions comme rock'n'roll ou des mots tels que juke, jazz, honky-tonk apparaissent dénuées de sens pour un scientifique tel l'anthropologue américain Richard Wallacek, auteur de Primitive Music. À la même époque, un journaliste souligne que Juke... Juke de Juke Jones, dont on avait déjà parlé, pardon. Non, mais vas-y. Je t'en prie. C'est bien de préciser. Bah, en fait, c'était ces lieux, c'était des bars en fait, où on vendait de l'alcool frelaté, qui étaient un peu des lieux de déperdition, on va dire. Et où de débauche. Mais en même temps, des lieux qui permettaient d'évacuer aussi, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire le côté, par rapport aux conditions de vie, la Grande Dépression, voilà, enfin... Les gens se lâchaient, quoi. Et donc, tout ça renvoie au style de vie déplorable des populations noires rurales. D'accord ? Question de culture, donc, aux yeux de la bonne société WASP. Donc, WASP. White, anglo-saxon, protestant. Il est très fort. Pour ces WASP, qui ne sont pas forcément les gens qui font la country, hein, tous ces termes sont au mieux des borborygmes de sauvages entendus à la nuit tombée des bouges des campagnes du Sud. Pourtant, dès la fin des années 20 et au cours de la décennie 30-40, mots et musique se mêlent indissociablement. Arrivent les années 40 et les premières expéditions d'Alan Lomax, entre autres. Alan Lomax, j'apporte une petite précision, vas-y. C'était un genre de musicologue, anthropologue, qui est allé à la rencontre voilà, de toutes ces musiques qui existaient mais qui n'étaient pas enregistrées, enfin qui a vraiment rendu un service à l'histoire musicale des États-Unis et dont les enregistrements voilà sont conservés à la Library of Congress voilà, et c'est lui qui a enregistré les premières chansons de Muddy Waters, un certain Muddy Waters dont on a déjà parlé dans les émissions précédentes sur le blues, qui a enregistré des gens comme Tommy Johnson voilà, donc là on est sur une figure de la musique folklorique américaine majeure, quoi. Enfin, vraiment. Ça renvoie à tout ce qu'on avait vu au début des premières sessions, qui était toute la transmission orale du blues. Absolument, ouais. Et lui, il a un peu, voilà, il a un peu mis son grain de sel en allant enregistrer cette musique qui était principalement orale, comme tu le précises, et qui en a fait une photographie à un moment T, quoi. Voilà. Donc, mais tout cela, tout ce qu'on vient de dire, a plutôt à voir avec l'histoire du blues, s'exclamerait un auditoire attentif et indigné. Eh bien oui, mais qui oserait aujourd'hui prétendre raconter l'histoire d'une musique populaire jouée dans des endroits dont il est difficile de se faire une idée, si ce n'est au travers de descriptions aussi pittoresques qu'éculées, pour un public imbibé de Canada Heat, précision de Canada Heat. Alors Canada Heat, c'est un groupe voilà, des années 60 qui a repris pas mal de standard de blues en fait, mais ça vient d'un titre de Tommy Johnson dont on vient de parler, qui a été enregistré par un certain Alan Lomax, dont on vient de parler également, et Can't Eat en fait, ça fait référence à une petite boîte de conserve qui contient du fuel et qui permet de voilà, bah de se faire bouffer, quoi, concrètement. Sauf que un mec comme Tony Johnson, quand il y fait référence dans sa voilà, dans sa chanson Can It, qui porte le même nom en fait, lui il parle de la boire voilà, de boire ce fuel parce que y a plus d'alcool, walou. Il fallait bien boire quelque chose, alors lui bah il boit le fuel, voilà, enfin, oui, tranquille. Donc voilà, alors ce petit texte, il y en a d'autres, hein, des petits fragments comme ça, et que nous envoyait l'âme d'année de l'émission. Je ne sais pas si vous avez tout saisi, parce qu'on l'a un peu coupé, ou parce que des fois il part dans des sphères où il est difficile d'aller le rattraper. Mais globalement, le thème rock'n'roll, bah, c'est de l'argot pur de la population afro-américaine. Clairement, ça désigne une nuit de sexe. On nique et on change de partenaire. Voilà. C'est... Désolé, je suis un peu cru, mais et, bon, c'est un peu ça. Quoi. Et il faut voir que dès 1922, il y a déjà des chanteuses de blues, ou un peu plus tard même des chanteuses de blues donc noires, ou des chanteuses américaines blanches, qui chantaient déjà des chansons rock. Il y a même un titre. Alors là, pour le coup, on va aller loin dans le côté... on va faire un lien avec l'émission précédente, on parlait de Toni Morrison, qui nous décrivait la vie des femmes afro-américaines. La chanson qu'on écoutera tout à l'heure de Trixie Smith, qui explique « My daddy rocks me ». Alors, quand on écoute la chanson, le daddy devient « my man », mais il y a quand même des petites phrases où c'est « My daddy was killing me, is killing me ». Donc, bon, je ne connais pas exactement dans quel contexte c'est écrit. Ça laisse la porte ouverte à pas mal d'interrogations, à pas mal de messages. Et le deuxième morceau qu'on écoutera, donc c'est un trio de sœurs qui s'appelle The Boswell Sisters. Donc là, pour le coup, c'est des Américaines blanches et qui chantent rock and roll. Donc on écoute ces deux morceaux pour dire que ce côté un peu argot, c'était pas, comme je vous ai dit au départ, que dans la bouche des hommes. C'est parti. When he once takes hold, Une mémoire fragmentaire, orale, distante, de plus de 30 ans des événements rapportés. Voilà la matière dont se nourrissent les livres consacrés aux origines et au développement du rock'n'roll. Les bardes de cette mémoire, des musiciens de blues, pour la plupart influencés par les grands noms du country blues, la musique du Delta popularisée par Charlie Payton, Son House, Robert Johnson et bien d'autres encore. Leur point commun, avoir eu la chance de croiser un dénicheur de talent pour maison de disques locale ou un Alan Lomax, parti à la recherche des racines populaires des USA. Et encore, car il a fallu le revival blues des années 60, la redécouverte des génies des années 30 et quelques entretiens pour réunir les rares éléments de discours inlassablement utilisés dans les ouvrages spécialisés. a haul. Hot tamales and the red hot. Yeah, she got them for sale, I mean. Yeah, she got them for sale, yeah. Hot tamales and the red hot. Yeah, she got them for sale. Hot tamales and the red hot. Yeah, she got them for sale. She got 2 foot nickel, got 4 foot dime. Won't say more, but they ain't none of mine. Hot tamales and the red hot. Yeah, she got them for sale, I mean. Yes, she got 'em for sale, yes, yes. Hot tamales and the red hot. Yes, she got 'em for sale. Hot tamales and the red hot. Yes, she got 'em for sale. I got a letter from a girl in the room. Now she got some good she got to bring on soon. Now it's hot tamales and the red hot. Yes, she got 'em for sale, I mean. Yes, she got 'em for sale, yes. Hot tamales and the red hot. Yes, she got 'em for sale. Hot tamales and the red hot. Yes, she got 'em for sale. Too hot for her. Back in the bumpy nest. Ever since daddy can't take his rest, yeah. Hot tamales and the red hot. Yeah, you got 'em for sale, I mean. Yes, you got 'em for sale. Hot tamales and the red hot. Yes, you got 'em for sale. Man, don't mess around them hot tamales. Now cause they're too blank red. Mess around them hot tamales. I'm gonna upset your back, gonna put your kidney to sleep. I'll do the bread when you're living there. Your heart to beat by my hot tamales on the red hot. Yes, you got 'em for sale, I mean. Yes, you got 'em for sale, yeah. Hot tamales and the red hot, yes, yeah, you got them for sale. Hot tamales and the red hot, yes, yeah, you got them for sale. And old grandma, that's my grandpa too. Well, I wonder what in the world we sure not gonna do now. Hot tamales and the red hot, yes, yeah, you got them for sale, I mean. Yes, yeah, you got them for sale. Hot tamales and the red hot, yes, yeah, you got them for sale. Hot tamales and the red hot, yes, yeah, you got them for sale. My baby bought a V8 for where we bought that thing all on the running boat, yes. Hot tamales and the red hot. Yes, she got 'em for sale, I mean. Yes, she got 'em for sale, yeah. Hot tamales and the red hot. Yes, she got 'em for sale, it's too hot for her. Hot tamales and the red hot. Yes, now she got 'em for sale. You know, the monkey not a bathroom playing in the grave. Well, the monks took a fair old good cup, yes. Hot tamales and the red hot. Yes, she got 'em for sale, I mean. Yes, she got 'em for sale, yeah. Hot tamales and the red hot, huh? Yeah, she got 'em for sale. Hot tamales and the red hot, huh? Yeah, she got 'em for sale. I got a girl such a long and tall, now she sleeps in the kitchen with her feet in a hole, yeah. Hot tamales and the red hot, huh? Yeah, she got 'em for sale, I mean. Yeah, she got 'em for sale, yeah. Yeah. California to my sweet home, Chicago. I'm going to California from Thousand Mile Byway. Somebody will tell me that you need my help someday. Hey, hey, baby, don't you want to go? Voilà, donc vous venez d'écouter Robert Johnson. On est toujours sur Radio Mon Pays. Il est 20h passées. Et puis, ben, on va continuer tranquillement cette soirée avec un petit jingle en prime. Blood and Roots. From Fellows to Girls. Voilà ce jingle un peu fait maison que vous commencez à connaître et puis qui sera temps de changer très bientôt. Alors, on vient d'écouter Robert Johnson avec They're Red Hot et Sweet Home Chicago. Pourquoi Robert Johnson ? Bah, parce qu'on entame cette partie voilà, des racines du rock'n'roll qui concerne plus ce qu'on appelle le rhythm and blues de manière un peu générique, qui sera amené surtout par le blues et aussi par le rythme, si j'ose dire. Et donc Robert Johnson, dans l'histoire du rock'n'roll, il a quand même maille à partir. On parle de l'une des premières rockstars, entre guillemets, d'aucuns font remonter le fameux club des 27, ces artistes morts à 27 ans à Robert Johnson, puisqu'il est mort voilà, à 27 ans, dans des conditions assez douteuses d'ailleurs. Robert Johnson, artiste de blues. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de rock'n'roll pour Robert Johnson ? Parce qu'effectivement, ce sera le premier à réunir voilà, les influences, les chansons, les textes, la manière de jouer de différents artistes à travers ses voyages. Et il va faire un genre de syncrétisme voilà, de tout ce qu'il va entendre lors de ses voyages. D'une part, et puis bah, y a ce côté aussi, Gamay à partir avec le diable, entre guillemets, puisque vous vous souvenez que dans nos précédentes émissions, on avait parlé de blues et donc de cet artiste. Et vous vous souvenez très probablement de ce dont on avait parlé sur le côté voilà, pacte avec le diable. Voilà, un de ses contemporains, Zone House, qui lui a survécu et qui d'ailleurs qui fera partie de ce qu'on appelle le revival blues. Dans les années 60, aura pris quelques notes sur ce fameux personnage de Robert Johnson et qui dira « Bon, ben, effectivement, quand je l'avais rencontré, il jouait comme une brêle de la guitare. » Et puis, du jour au lendemain, ben, il ne se pointe plus au concert. Et puis, 6 mois plus tard, il le voit réapparaître. Et puis, tout d'un coup, c'est devenu un genre de génie absolu de la guitare avec une technique flamboyante, un jeu au bottleneck pratiquement parfait. Voilà, donc ça c'est pour le côté Robert Johnson. Et il y a un autre Johnson dont j'aimerais vous parler, qui est un peu moins rural pour le coup, puisque on va parler de Lodie Johnson, qui était plus dans le côté new-yorkais, presque un peu jazzy, et d'un certain Elmore James aussi. Et là vous allez commencer à sentir le rock'n'roll, mais on est encore en train de parler de blues. Lodie Johnson, Devil's Got the Blues, et Elmore James, Dust My Broom. Good morning, blues. Why have you been so long? Good morning, blues. Why have you been so long? I just stopped by to leave you enough of worries to last you while I'm gone. My brains is cloudy, my soul is upside down. My brains is cloudy, my soul is upside down. upside down. When I get that low down feeling, I know the blues must be somewhere close around. The blues is like the devil, it comes on you like a spell. The blues is like the devil, comes on you just like a spell. Blues will leave your heart full of trouble and your poor mind full of hell. Some people say there's no blues, but that story is old and stale. Some people say there's no blues, but that story is old and stale. The blues will drive you to drink and murder and spend the rest of your life in jail. The blues and the devil is your closest friend. Blues and the devil is your two closest friends. The blues will leave you with murder in your mind. That's when the devil out of hell steps in. Voilà, donc c'était Lonnie Johnson, Devil's Got the Blues et Elmore James avec Dust My Broom. Alors ce qui est intéressant avec Lonnie Johnson, c'est que bon, bah, c'est un peu technique, mais en fait il jouait sur une guitare 12 cordes au début de sa carrière, dans les années 30, à la fin des années 30. sur une guitare 12 cordes sur laquelle il avait enlevé les doublons des cordes les plus graves. Il y a un côté un peu dramatique parce qu'on le retrouvera dans le revival blues en fait des années 60 où il y aura toute cette tournée de musiciens afro-américains qui auront joué en Angleterre dont on parlera lors de la troisième émission si on change pas encore d'autres comme d'habitude, ouais, comme d'habitude. Mais dans la logique c'est on va peut-être d'ailleurs vous en parler là dans l'idée du triptyque des émissions. Donc là, effectivement, Pierre-Julien vous présente vraiment la naissance, on y reviendra, la naissance ou le mort-né du rock'n'roll avec la rencontre de la country et du rhythm and blues, on peut dire ça comme ça. Alors, l'idée que j'avais vue moi aussi, c'est que le rock'n'roll, à la base, on appelait rock'n'roll, donc le côté country, un peu country blues, pour le distinguer du rhythm and blues, mais alors chez les disquaires, pour le coup, là, il y avait une forme de ségrégation de disques. D'un côté rhythm and blues, d'autre côté ce country blues qu'on finalement on appelait rock and roll. Donc c'était totalement, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on est en train de voir, où finalement le rock and roll, c'est vraiment un mélange de musique blanche et musique noire. Là je schématise, hein, mais. Ben non, mais t'as assez raison parce que t'as même Merci. Complètement raison. Pardon. Oui, vas-y, redis-le. Pardon de le dire, t'as raison. Non, mais en fait c'est tout le problème, si tu veux, des étiquettes, quoi. Et moi, les étiquettes, je déteste ça parce que c'est du marketing pur et simple, quoi. À quel moment est-ce qu'on parle de country music? À quel moment est-ce qu'on parle de rhythm and blues? À quel moment est-ce qu'on parle de rock'n'roll? Bah, en fait, c'est pas si simple, quoi. Enfin, parce qu'on parle de musique métissée, on parle de musique qui sont un peu pluriformelles. Alors, pour le côté métissé, là, j'invoque encore l'âme d'année de l'émission. Qui nous a écrit « Le rock'n'roll est affaire de génération, d'une génération ». Ça, c'est quelque chose dont tu voudras parler dans la prochaine émission. C'est important. On voit ce qui va rassembler la génération des jeunes blancs, des jeunes noirs. En fait, ils vont avoir, c'est des jeunes, tout simplement. Ils vont se rendre compte qu'ils sont jeunes, ni blancs ni noirs, ils sont jeunes. Et ça sera certainement l'affrontement avec l'autre génération. Enfin, Ouais, c'est un peu. Et moi, ce que j'avais noté, c'est que c'était peut-être la première fois en fait qu'il y avait qu'on passait vraiment d'une rupture de classe en fait dans l'histoire à des ruptures générationnelles. Ce qui avait, enfin, je pense pas qu'il y avait ça avant, quoi. Enfin, vraiment où il commençait à y avoir des générations qui, enfin voilà, des jeunes qui commencent à dire que les vieux, ils ont des. Oui, c'est la rupture générationnelle qui a facilité en fait la. Pas la fin, mais qui amoindrit la ségrégation, en fait. Ils sont unis dans ce côté, on est jeunes, et on veut en profiter, et on veut faire la fête et autres. Et donc, on en revient au grand thème de Blood at Roots, quoi. Enfin, c'est... Non, mais l'histoire, on en revient vraiment au sujet de base, quoi. Enfin, c'est de dire que, il y a eu une évolution des formes musicales, qu'il y a eu des métissages, et que ça a mené finalement à l'émancipation et aux droits civiques, à l'émancipation afro-américaine, et aux droits civiques, et c'était un peu le thème de l'émission à la base, si je ne m'abuse. Ça l'est toujours. Alors, je reviens sur ce que nous écrit notre fameuse âme d'année. Donc, il nous dit « Le rock'n'roll est une affaire de génération d'une génération. Le reste n'est que reprise, plus ou moins inspirée et talentueuse. Si l'on considère que le rock'n'roll naît du boogie des années 40, de l'électrification des premières guitares, de l'installation en ville de quelques musiciens noirs originaires du Delta, alors la génération concernée naît dans la seconde décennie du XXe siècle. Elle est musicalement parlant l'héritière des premiers musiciens de country blues, qu'on a déjà mentionné. Elle est la génération du métissage. Les maisons de disques dirigées par des blancs tels Leonard Chase ou Sam Phillips produisent des disques destinés à un public noir. » Donc on est carrément dans ce qu'on vient de dire et dans le thème de l'émission. On enchaîne avec deux morceaux qui vont nous faire revenir sur le côté musical du rock'n'roll. Je laisse les présenter, Pierre-Julien. Non. Alors c'est... Bon, alors ce qu'on va faire, ce sera beaucoup plus simple. On voit du son et on vous les présente après. Went to the station to get me a train. Gonna climb aboard and ride again. Just climb aboard and ride around. I might get off in Memphis town. Memphis town, Memphis town. All trains going to Memphis town. Chevrolet, the cold city wheels go round. Now everybody's going down to Memphis town. I said, conductor, where the trains all grind, I want to go see that gal of mine. He answered me with a railroad frown. All trains fly to Memphis town, Memphis town, Memphis town. All trains going to Memphis town. Chevrolet, the cold, see the wheels go round. Everybody's going down to Memphis town. I said, what's doing down on Memphis way? That train's all going there today. The train man said, there's a jubilee, and Memphis is town is only place for me. Memphis town, Memphis town. All trains going to Memphis town. Chevrolet, the cold, see the wheels go round. Everybody's going down to Memphis town. I said to the station man, where's my train? He said, I never know you own the train. I said, you better answer around, smack you down. He said, all trains going to Memphis town, Memphis town, Memphis town. All trains going to Memphis town. Chevrolet, the cold, see the wheels go round. Everybody's going down to Memphis town. Goodbye, folks, I'm on my way. See you all some other day. Got my ticket, here's my train. Going down to Memphis, see my gal again. Memphis town, Memphis town. All trains going to Memphis town. Chevrolet, the cold, see the wheels go round. Everybody's going down to Memphis town. Voilà, donc je vais pouvoir présenter Stéphane ce morceau, donc désolé de t'avoir faussé compagnie, entre guillemets. Ouais, donc c'était le roi Carles Rapport Black. T'étais perdu dans le delta, t'étais pas avec nous, t'étais parti dans le delta. Il y a eu une petite montée des eaux là, et puis tu sais, j'ai essayé de sauver les meubles un peu. Non mais c'est pas grave, voilà, tu présentes tout ce beau morceau qui est où déjà on sent de plus en plus le rock'n'roll qui pointe quand même. Ouais. C'est les risques du live un petit peu aussi quand même. Voilà. Donc c'était le Roi Carr et Scrapper Blackwell, Memphis Town. Scrapper Blackwell, c'est, ouais. C'est un sacré nom ça, je trouve. Ça fait un nom de rappeur, quoi. Hein. C'est pas juste des Scrappers, Scrapper Blackwell. Il y a un côté un peu comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'il en pense du bisou? Parce que c'est notre référence en matière de hip-hop quand même. Ouais. Scrapper Blackwell, tout à fait. C'est vraiment nom de... Bah, DJ, tu l'imagines. Il y a un côté un peu comme ça. Ouais. Delta Coast. Ouais, mais d'ailleurs, Scrapper Blackwell, mais vous l'avez noté, hein, de toute façon, on en avait déjà parlé, on avait déjà écouté quelques morceaux de ce bluesman émérite, si j'ose dire, qui a d'ailleurs influencé Robert Johnson, dont on a parlé tout à l'heure, si vous vous en souvenez. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il jouait avec le Roi Carr, un pianiste de blues, avec quelques accents un peu jazzy. Et en fait, ils ont joué la majeure partie de l'existence de le Roi Carr ensemble. Le Roi Carr qui est décédé un peu jeune, à la fin des années 30 ou 40, il me semble. Mais ce qui est un peu rigolo, enfin, ce qui n'est pas rigolo du tout, plutôt. Non, Scrapper Blackwell, il ne se remettra jamais de la mort de son voilà, ami. Voilà, j'en étais sûr. C'est vraiment triste. Le côté, ce qui est rigolo, ouais. Et puis tu sens que tu es bien lugubre derrière. Ouais. Son désolé, côté, je serais un peu jaune. C'est le côté Delta, c'est le côté blues. Côté Delta, ouais. Et en fait, non, mais quand je dis c'est rigolo, c'est vraiment pas rigolo du tout. Mais en fait, il va réémerger plus tard dans les années 60, encore une fois avec Elmore James et compagnie. Il va sortir de sa torpeur, de son alcoolisme, de sa dépression pour revenir nous enregistrer quelques-uns de ses plus beaux titres. Voilà pour le Roi Carr et Scrapper Blackwell. Memphis Town. On va pouvoir parler de Count Basie et là vous allez encore une fois commencer à le sentir le rock'n'roll. On commence à parler de jump blues en fait. Alors j'ai cherché, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il commence à y avoir des refrains en tout cas. Et vous allez voir, on commence à rentrer vraiment dans une phase du blues où il commence vraiment à y avoir un peu de rock'n'roll. On commence à rencontrer des gimmicks qu'on retrouvera chez des Elvis Presley et compagnie quoi. Donc Count Basie, One O'Clock Jump et Jumping at the Woodside, 1938. Mm-hmm. Ça te fait quoi de revenir un peu sur le côté jazz, Stéphane, alors ? Nostalgie ? Ah, jazz, c'est pas du blues ? Ouais, j'ai un peu dit une connerie. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous le sentez, le rock'n'roll ? Le jazz, le blues, on a bien vu que tout ça, c'était, tout est tellement lié. Ouais, mais c'est un peu ça, le rock'n'roll. Il y a un côté syncrétisme entre le blues, la country et puis des côtés de jazz aussi. Donc Count Basie, c'était vraiment l'occasion de repasser un petit peu de jazz aussi, quoi. On est à la fin des années 30 et puis on va faire un bond un peu de 10 ans, mais bon, il fallait faire des choix, hein, donc on a fait des choix. Et on va vous passer Louis Jordan et Big Joe Turner, qui sont les pères de ce qu'on pourrait appeler le jump blues, avec Choo Choo Boogie et Flip Flop and Fly, où là vraiment jump blues. Jump blues, ouais, il y a ce côté. On découvre encore. Ouais. C'est un peu du proto rock and roll. On commence à sentir du Little Richards un petit peu là-dedans. Ah, donc, tu commences à dévoiler le thème de la prochaine émission. Il est fort. En parle. Ça, c'est du teasing. On en parlera. On va peut-être envoyer les deux morceaux dont tu as parlé avant que les auditeurs oublient. Ouais. Mais c'est un sacré teasing que tu viens nous faire là, sur la prochaine émission. C'est chaud. Ouais, j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps et franchement. Louis Jordan, Choo Choo Boogie et Big Joe Turner. Bye. Give me one more kiss, hold it a long, long time. get a new gold do. Here comes my baby flashing a new gold do. Well, she's so small she can mumble in a big old boot. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. Bloodroot, il nous reste une petite vingtaine de minutes à partager avec vous, à vous amener encore à découvrir d'où vient le rock and roll. Alors, dans l'idée du fameux teasing de Pierre Julien, qu'est-ce qui va se passer dans un mois, Pierre Julien? Ok, on la refait. Pierre Julien, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, dans un mois. Bah, on se retrouve pour Bloodroot déjà, voilà, dans un mois. Et on va embrayer un peu, voilà, parce que le premier thème de cette émission, c'était un peu d'explorer les racines du rock'n'roll à travers la country, le blues, le rhythm and blues, revoir un peu de jazz avec Count Basie, comme on l'a fait tout à l'heure. Se replonger un peu dans l'émigration afro-américaine avec Robert Johnson et Sweet Home Chicago, donc cette notion de, voilà, d'exode, cette population afro-américaine qui migre de la campagne du sud vers les grandes villes du nord, qui s'industrialise avec les instruments qui s'électrifient, les mœurs qui se délient un petit peu. Et donc, avec ce fameux rock'n'roll qui va arriver autour de 1954, hein, je tease un petit peu encore, ouais, Stéphane. Un petit peu, ouais. En fait, l'idée de du deuxième opus, c'est de vous parler du rock'n'roll comme on l'entend... Enfin, comme on l'imagine, comme la majorité des gens, des auditeurs, nous-mêmes, on l'imagine, c'est-à-dire en gros cette notion de rock and roll qui va de Little Richard, Elvis Presley, Fats Domino, Chuck Berry, à la fois blanc et noir, et voilà. On a vu comment tout ça était arrivé, on va voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont devenus. Jerry Lee Lewis aussi, sacré taré celui-là aussi, on en parlait en début d'émission. Donc voilà, la deuxième émission, ça sera vraiment sur le côté rock, l'image quand qu'on a du rock. L'étiquette, elle commence à émerger, voilà. Quoi. Parce qu'avant, on parle de country, de rhythm and blues, mais sur la fin, comme vous l'avez senti à la fin du focus sur la country, à la fin de ce focus sur le rhythm and blues, on commence à le sentir, le rock and roll. Il n'est pas encore tout à fait là, ça n'a pas encore de nom. Mais dans les années 50, il faut donner un nom à une musique qui émerge et qui commence un peu à bousculer les lignes. Quoi. Mais avec quand même en filigrane cette notion de cette deuxième hypothèse, cette deuxième version qui est de dire non, le rock'n'roll, il est mort à partir du moment où le King est né. Donc ça, c'est une version. Ou l'autre version qui est de dire finalement oui c'était du rock'n'roll mais après, et ça c'est l'objet, ça sera l'objet, attention teasing, du troisième opus qui est la grande escroquerie, le grand hold-up du rock'n'roll, mais ça on y reviendra, on revient sur là, on arrive en avril, hein, je pense, fin avril. Ça sera en avril, ouais. Avec d'autres intervenants. On revient sur le rock'n'roll, le début avec deux morceaux, donc Roy Brown, Good Rocking Tonight, et je tourne ma page parce que c'était écrit de l'autre côté, je connais pas par cœur. Good Rocking Tonight, c'est pas une chanson tonight. Que Elvis reprendra quelques années plus tard. C'est possible, il en a tellement reprise. Et Rufus and Ben Killian, Holy Roll. Donc d'un côté on a du rock, et de l'autre côté on a roll, donc c'est cool, ça fait rock and roll. when you're down, feeling blue. Your best man goes back on you, mama, feel for me, we'll do that holy road. When luck is bad, your friends do too. Well, don't forget I fall for you. Let's get hot, do that holy road. All you sinners gather round, do the thing all over town. Get out red hot, do that holy road. This house woman will burn you down till you get your muffin brown. When you roll on, lose your hold. Roll, I say. When you roll on, lose your hold, just roll. Now when your man takes all your dough, then says he can't use you no more, tip right out, do that holy road. He'll tip back, find you wet, wet with tears, no wet with sweat. Then he'll start to learn that holy road. All you sinners gather round, do this thing all over town. Get out red hot, doing that holy road. This last woman will burn you down till you get them muffin brown. When you roll on, lose your hold. Roll, I say. When you roll on, lose your hold, just roll. Petit retour aux sources avec ce thème pratiquement ragtime, hein, on pourrait dire. On en a parlé de ragtime, il me semble, hein, il y a longtemps, longtemps, longtemps. C'était il y a combien de temps maintenant qu'on a commencé l'émission, Stéphane? Ouais. Au moins 2018. Ans, un an et demi, ouais. alors pour les gens que ça intéresse, il y a un très bon site qui existe, hein, qui recense, qui liste toutes les émissions. Alors effectivement, on n'a pas tout à fait tout, mais donc du coup, je peux te dire que c'est octobre 2018 la première. Ouais. La première qui était un peu un melting pot de toutes les musiques qu'on allait passer. Voilà, et donc sur ce site internet qui a été concocté par notre stagiaire préféré, Benoît Mirouz, vous retrouverez les podcasts, peut-être une photo de nos gueules, je pense. Non, mais ça, c'est pas le principal. C'est pas le principal. Non, d'ailleurs, non, mais si vous, d'ailleurs si vous l'encadrez aussi. En parlant de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, voilà. En parlant de Redneck, on voit Manuk. D'accord ? Donc on voit en fait que ton visage à toi. C'est l'idée. La voix, le visage, il a tout. Il a tout ce garçon. On voit un peu Julien aussi en régie. Non, mais on... Il a tout ce garçon. C'est un truc de fou. Ouais. Non, mais le principal, c'est surtout qu'ils pourront récupérer éventuellement les playlists des émissions précédentes. Les podcasts, les textes qui sont rédigés par l'âme d'année, les textes rédigés par Laurent qui était venu les dernières. Le mois dernier. On était déjà en 2020. Ce qui nous avait présenté sa petite rubrique littéraire, les adresses, des liens, notamment du groupe de jazz qui était venu. Enfin, il y a un peu tout. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous tapez Buddha Truths et vous avez tout ça. Donc, site à l'appui, première émission octobre 2018. Voilà. Et la prochaine, 27 mars 2020. Voilà, pour Julien qui demandait la date, parce que il faut prévoir aussi, quoi. Il faut savoir si on va être dispo, etc. Ok, donc c'était bien sympa, Stéphane. Je suis un peu étonné de ce morceau, parce que le côté ragtime et tout, d'habitude, t'es plus sur le côté un peu punk. côté punk. Comme si on a déjà mis une chanson, une musique de punk. Est-ce qu'on a mis une musique de punk? Moi, je suis étonné que tu ne nous aies pas sorti un Gun Club ce soir. Non, alors, ce ne sera pas un Gun Club, mais ce sera un Clash. Alors, pour le coup, on va enchaîner sur deux morceaux. Maintenant que tu me donnes la perche, je la prends. On va finir sur le côté blues rock avec un morceau qui s'appelle Rocket 88. Donc c'est Jackie Brenston and his Delta Cats. Donc il y a la notion de Delta. Ce qui est plus rigolo, c'est que dedans il y a Ike Turner. Ok, oui, ça, ouais, on sait. Le salopard. Mais Ike Turner quand même. Donc ça, ce sera le premier morceau qui fait, voilà, où on passe vraiment du rhythm and blues au, là, on sent vraiment bien le rock and roll. Alors on peut éclaircir un peu parce que je dis le salopard, mais Ike. Peut-être que tout le monde a pas la ref, mais Ike Turner, c'était Le mari de Tina Turner. Tina Turner qui a été un salopard avec. Ça s'est mal passé. Ouais, mais bon après. Bah, ouais, c'est... Oui, ça s'est mal passé. Mais grand musicien quand même. Ouais, alors ça c'est un autre débat. Est-ce qu'on doit excuser les méfaits des gens? Je vois où tu veux, mais nous n'irons pas sur ce terrain. C'est un peu trop compliqué. C'est compliqué. C'est pas l'idée. On revient sur les deux morceaux qui vont suivre. Donc Ike Turner, enfin, c'est pas Ike Turner joue dedans, mais c'est Jackie Brenston and his Delta Cats qui vont chanter Rocket 88. Et puis on passera un morceau. Donc du coup, tu me parlais de Gun Club, le groupe récurrent, mais il y en a un deuxième, c'est les Clash. On passe un morceau des Clash parce que je le dis à chaque émission et je le redis donc sur cet album Sandinista, et ben en fait c'est un hommage qu'ils font indirectement à la musique afro-américaine puisqu'il retrace, ça va du gospel au hip-hop et là pour le coup c'est un morceau de rock'n'roll. Donc on s'écoute ces deux morceaux, on vous retrouve après pour vous dire au revoir. If you heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, baby, blow. And don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill for everybody, and my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. driver waited in the embassy car. Fat man trapped is set for capture. The girl let the thin man touch her. Mixing question, drunken laughter. Ministry car waiting there. Minister knows his own affair. The people must have. Ouais, je prends la main. Dans l'idée, je prends la main. Dans l'idée, simplement, voilà, on finit par deux morceaux. C'est un peu l'image de l'émission avec un morceau donc, dont tu as parlé qui est afro-américain, rock'n'roll, et puis un morceau plus rockabilly, d'ailleurs, ce que tu disais. Hein, c'est ouais, rock, rockabilly. Un peu rockabilly. Mais blanc, et bah, tout ça fait le rock'n'roll. Enfin, pour certains. Je dois répondre quelque chose ? Non. Non. Bah, écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense. De toute façon, il n'y a pas vraiment de réponse à apporter sur le sujet. Non, les réponses, on va les apporter petit à petit lors du prochain opus le 27 mars. Et puis de celui d'après, d'avril. On remercie DJ Bisou qui a repris les affaires en main. Là. Il avait trouvé qu'il y avait un petit peu de relâchement. Il est venu, il a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre dans la cabine. Voilà. C'est bon, on pense à lui. Voilà. Pour le 27. Ou pas. En tout cas, on vous embrasse tous. On était sur Radio Mon Pays 90.1. Vous écoutiez Blue Dat Rouge.